Chapitre 32e. Riri la voleuse. Le lendemain, les journaux locaux et les journaux de Paris annonçaient que le comte de Marnay, l'élégant gentleman si connu dans la haute société parisienne, s'était tué accidentellement. Paulin Broquet se chargea de styler le commissaire d'Orléans et de faire rédiger un procès-verbal de complaisance que l'on montra au public, tandis que le procès-verbal exact était tenu absolument secret. Le lendemain de ce drame, un fourgon des pompes funèbres venait chercher le corps du misérable et l'emportait à Paris, où il devait être enterré dans un caveau de famille. Le marquis de Briailles et sa fille Alice, selon la promesse faite par la jeune fille, pardonnèrent à l'assassin des leurs, mais ne voulurent pas, on le conçoit, que sa dépouille reposât dans le même cimetière, la même tombe, la même terre que ses victimes. Le comte de la Guérinière, le baron Dupont, le baron du Jard, les banquiers Vancambre et Guttelard, les amis du cercle, de la salle d'armes, accompagnèrent le comte à sa dernière demeure, et ce fut tout pour ce misérable. Cette mort mystérieuse et dramatique émut fortement les hôtes du marquis. Paulin Broquet en donna l'explication. Le comte de Marnay, dit-il, pour se faire seconder probablement dans une nouvelle tentative criminelle, ayant perdu ses auxiliaires, le baron du Jard et le majestueux baron Dupont, a dû introduire dans le château le fameux Zigomard. Ce Zigomard est un homme des plus habiles, des plus hardis, des plus dangereux. Caché sans doute dans l'appartement du comte, il attendait l'heure propice. Peut-être suis-je arrivé à temps pour déjouer ses plans, pour détruire toute une machination criminelle. L'affaire alors a totalement changé de face. Le comte, démasqué, arrêté, a eu, en présence du marquis, de sa cousine, un moment de faiblesse, de repentir, sincère probablement, car je ne crois pas qu'il nous jouait la comédie à ce moment. Cela prouve qu'en son cœur restait un peu de loyauté, un peu d'honneur. Mais Zigomard ne peut admettre cela. Pour être un véritable zède, il ne faut ni faiblesse, ni repentir. Le comte avait promis de parler. Il se condamnait lui-même. La loi des zèdes est formelle, implacable. Les poltrons, les faibles, les traîtres sont exécutés sans merci. Zigomard était là. Il a assisté à la scène. Il a entendu. Il a fait expier à son complice sa lâcheté, son repentir, et en lui coupant la gorge, arrêter ses révélations. Le signe, le Z sanglant tracé sur la glace, était pour nous montrer à nous la puissance de Zigomard, et pour faire connaître à toute la bande des Z que le maître invisible, que le terrible Zigomard, avait selon la loi châtié un associé maladroit, apeuré et traître. Le docteur Robert donna également quelques détails scientifiques sur la façon dont les terribles moustiques répandaient la mort. Il expliqua l'évolution des microbes dans le tube digestif des anopheles, des stégomias, et comment ces insectes transmettaient en piquant avec leurs trompes ces microbes dans le sang de l'homme. On l'écoutait, intéressé et effrayé en même temps. Plus que tout autre, écoutait avec non seulement grande attention, mais un attrait qui allait jusqu'au charme, la jolie Irène de Valtour. Elle dévorait des yeux le docteur, et sans s'en douter qu'en souriant, Alice et Raymond la suivaient du coin de l'œil, laissaient, naïve et heureuse, lire tout son secret. Secret, lui avait dit Raymond, qu'elle ne connaissait peut-être encore pas bien elle-même. Quant à Robert, lui, tout à ces terribles microbes en forme de croissant, spécifique de la peste, il les montrait, se jetant sur les globules sanguins, où ils prenaient leur sexe et se reproduisaient pour se multiplier et occasionner dans l'organisme humain des désordres foudroyants qui, en 3 jours, causaient une mort épouvantable. Et il ne voyait pas les yeux bleus d'Irène qui le regardaient, suivaient ses moindres gestes et semblaient émerveillés. Mais Raoul, lui aussi, après Raymond, avait deviné le joli secret. Il regardait plus attentivement la jeune amie de sa sœur, et il ne put faire d'elle un plus beau compliment que celui-ci. Si une femme pouvait être aussi jolie que Riri, ce serait Irène de Valtour. Et se trouvant avec son frère à part, il lui dit en riant affectueusement « Illustre docteur, tu es la plus jolie auditrice qui soit au monde. » Robert ne sut pas deviner qui lui désignait son frère. « Maintenant, poursuivit Raoul, que tu connais si bien le secret des insectes ailés qui portent le malheur dans leur trompe, tâche de découvrir le bonheur d'un homme dans le regard bleu et le sourire d'un ange sans ailes, d'une femme blonde. » Hélas, le docteur Robert ne pouvait encore comprendre, et Raoul ne pouvait savoir, tout en voulant faire le bonheur de son frère, quelle douleur il venait de lui causer. Le sourire d'ange, le regard bleu d'une femme blonde, pour Robert, seule Riri en possédait le charme absolu. Le cœur de Robert, dont Riri avait été si douloureusement arraché, n'était pas assez cicatrisé encore. C'était précisément pour ne plus voir ce regard bleu, ce sourire, cette blondeur exquise, que Robert se penchait sur ces microbes et les suivait dans leur transformation, dans leur terrible travail. Robert ne pouvait encore s'apercevoir, comme le fit Raoul, qu'il y avait au monde une autre Riri, que c'était sa délicieuse auditrice, Irène de Valtour. Quand, avec Paulin Broquet, le docteur que ses malades réclamaient, rentra à Paris, Irène fut, comme dernièrement chez Raymonde, prise d'un long accès de tristesse, et Raymonde, jouant à la petite maman, lui dit en la caressant doucement « Bah, ma jolie Irène, ne pleure pas. Laisse faire aussi l'évolution dans ce cœur de savant. Bientôt il trouvera en lui un microbe qui est en toi et qui va grandir infiniment. C'est le microbe qui donne une fièvre délicieuse, bénie, qu'on appelle l'amour. Quoi ? » s'écria Irène surprise. « Tu sais donc que j'aime ton frère Robert ? Naturellement. Mais lui, il le saura aussi, et il t'aimera. » Quelques jours après, Raymond et Irène rentraient à leur tour à Paris avec Raoul et le capitaine de Rennebois, dont le congé finissait. Encore une fois, le château de Briailles redevenait silencieux. L'amour d'Alice et du capitaine de Casaumont devait cependant le faire paraître moins vide au vieux marquis que tant de deuil accablait. Irène passa 2 jours chez sa petite mère Raymonde, puis son père vint la prendre et l'emmena dans sa lointaine et triste Bretagne. La vie reprit son cours. Raoul, dès le lendemain de son arrivée, courut à Ville-d'Avray chez son ami Girardet. Il devait lui raconter ce qui s'était passé au château de Briailles, mais en vérité il lui demanda des nouvelles de Riri. Elles étaient excellentes. Madame Laurent et Riri, chaque jour maintenant, donnaient un coup de téléphone à la villa. « Le comte de la Guérinière ?» demanda Raoul. « Il nous laisse tranquille, » répondit André Girardet. « Riri ne le voit plus sur son chemin. On n'entend plus parler de lui, ça va bien. » Riri avait repris confiance et commençait enfin à goûter la joie d'une vie calme et sans souci d'avenir. Or, un après-midi, Perkins, le couturier, chef de la maison où elle travaillait, la fit mander à son cabinet. Riri se dit que si c'était pour lui confier une mission comme celle de Ville-d'Avray, elle refuserait. Sous aucun prétexte, aucune menace de renvoi, elle n'accepterait de course douteuse. M. Perkins se trouvait dans son cabinet avec son fondé de pouvoir, M. Portet, celui qui dirigeait les manutentionnaires et avait la responsabilité des fournitures. « Elle, » dit M. Perkins à Riri, « depuis quelque temps, M. Portet m'avise que des détournements d'étoffes, de soie, de dentelles se font dans la maison. » Riri sursauta. « Vous me soupçonnez ? » s'écria-t-elle. « Vous me croyez coupable, moi, une voleuse ?» Riri frémissait, répétant « Vous me prenez pour une voleuse ?» Mais M. Perkins essaya de la calmer doucement et lui répondit « Point. Comme toutes vos camarades, je vous interroge. »« Bien, monsieur, je vous répondrai. »« N'avez-vous jamais emporté quelque chose de la maison ?»« Si, monsieur, des bouts d'étoffe, des morceaux tombés qu'on eût jetés, qui ne pouvaient servir. Mais j'ai toujours demandé la permission à la première ou à la surveillante. »« Bien, bien. » Et ces jours-ci, n'avez-vous pas emporté un coupon de dentelle en point d'Angleterre ? Non, monsieur, non. C'eût été un bol, cela, et vous m'en savez incapable. Je vous demande encore, vous n'avez pas emporté, même par hasard, ces dentelles ? Non, monsieur, non. Vous l'affirmez, je le jure. Bien, mademoiselle. Monsieur Perkins gravement déclara : J'ai le regret de vous dire que j'ai un rapport ici disant qu'on vous a vu emporter ces dentelles. Moi ? Moi ? Moi ? On m'a vu emporter ces dentelles. C'est faux, c'est faux. Je l'espère pour vous. Cependant, votre affirmation ne me suffit pas, il me faut la preuve. Et comment voulez-vous, monsieur, que je vous prouve mon innocence, que je prouve que je suis incapable de commettre un vol? Bien simplement, monsieur Portet va aller chez vous, chez moi, avec un commissaire de police. Rirette, affolée, s'écria. Oh non, monsieur, non, qu'on ne vienne pas chez moi, pas chez moi. Oh, pas le commissaire, je vous en prie, je vous en supplie. « Croyez, mademoiselle, que je suis au regret. »« Mais je tiens tout autant pour vous que pour moi à asseoir ma conviction, et comme je l'espère, à obtenir la preuve de votre innocence. C'est le seul moyen que nous ayons. » Riri supplia, se jeta à genoux devant le couturier. « Oh non, monsieur, croyez-moi. Je vous jure que je suis innocente. Je n'ai pas volé, mais qu'on ne vienne pas chez moi. Cela non, par pitié, si vous saviez. Ma mère est malade, presque mourante. » quand elle apprendra qu'on vient, à cause de moi, perquisitionner à la maison, quand elle apprendra qu'on m'accuse de vol. Oh, monsieur, mais elle en mourra. Mais c'est la tuer. Oh, pitié, je vous en supplie, pitié. » Monsieur Perkins doucement releva Riri. « Mon enfant, évidemment c'est cruel. Mais la tranquillité de ma maison et votre honneur exigent cette perquisition. Si, comme je l'espère, vous prouvez votre innocence, je serai le premier à la proclamer. Soumettez-vous donc. D'ailleurs, ces messieurs agiront avec tact. Veuillez les suivre. » Riri n'avait plus à chercher à empêcher ce qu'elle ne pouvait éviter. Plus morte que vive, en pleurs, elle monta dans la voiture avec M. Portet et le commissaire. « Messieurs, leur disait-elle, je vous en prie, faites que ma mère ne sache rien, ne se doute pas, ayez pitié, soyez bons. » Dans l'impasse Ganneron, l'apparition de Riri avec deux messieurs à 7 heures ne fut pas sans causer de l'émoi. Toutes les commères rassemblées discutèrent sur cet événement dont elles ne connaissaient pas encore la cause. Et les commentaires naquirent, les suppositions commencèrent, les pires méchancetés prirent leur vol. Il était si bon de tomber sur cette jolie fille, si malheureuse, pauvre, sans défense, sans appui. Les bonnes âmes se régalèrent. Riri introduisit le commissaire et M. Portet dans son pauvre logis. Puis elle alla rassurer sa mère qui s'étonnait de la voir revenir à 7 heures et ainsi accompagnée. « Je crois, dit alors le commissaire tout bas au représentant de M. Perkins, je crois que nous faisons une démarche inutile. Cette jeune fille, à mon avis, est innocente. « Ne nous fions pas aux apparences, » dit M. Portet. Il montra tout d'abord au commissaire les bouts d'étoffe rapportés par Riri, et avec lesquels sa sœur et elle, à force d'adresse, d'ingéniosité, avaient pu parer un peu leur pauvre chambrette. « Voilà déjà des morceaux que je reconnais, qui viennent de l'atelier, » dit-il. Sous les yeux de Marie Labossu, tous deux se mirent alors à perquisitionner. M. Portet, rageusement, le commissaire sans grande conviction. Ils fouillèrent dans la chambre, et quand Riri reparut, ils trouvèrent cachée dans le lit, entre le matelas et la paillasse, la pièce de dentelle en point d'Angleterre et des coupons de soie. Le vol était maintenant indéniable, indiscutable, patent. Riri regardait avec effarement cette dentelle, cette soie, elle ne comprenait pas. Mais la Bossu éprouvait la même stupéfaction que sa sœur. « C'est moi, » dit-elle au commissaire, « c'est moi qui ai fait le lit après le départ de ma sœur, ce matin. » « Et je vous assure que cela ne se trouvait pas à cette place et que ce n'est pas moi qui l'y ai mis. »« c'est bon, » interrompit M. Portet. « Ce que nous voyons nous suffit. Vos explications sont inutiles. » Quant à Riri, elle semblait médusée. Son cerveau venait de recevoir un tel coup qu'elle en demeurait comme assommée. À Ville-d'Avray, en face du danger, devant l'ennemi, elle s'était montrée admirablement brave. Elle avait su hardiment se défendre. Ici, devant cette découverte, en face de cette infamie, de cette perfidie dont elle ne devinait ni la raison ni l'auteur, elle ne trouva pas la force de protester. Elle n'eut même pas la pensée de s'indigner. Elle était anéantie comme un corps sans âme. Elle regardait le lit défait, les dentelles, la soie, et semblait ne rien voir. Marchait fascinée. Ainsi se tiennent les petits oiseaux sous la puissance du regard du serpent qui va les dévorer. Le commissaire ne voulut pas que cette scène douloureuse se prolongeât plus longtemps. Doucement, il la prit par le bras. « Venez, mon enfant, venez avec moi. » Machinalement, sans opposer la moindre résistance, Riri le suivit, sans penser seulement à dire au revoir à sa mère, sans jeter un regard à sa sœur épouvantée. Elle descendit l'escalier glissant, s'engagea dans le passage, traversa la haie des commères assemblées sans les voir, sans entendre leurs méchants propos. Soutenue, portée presque par le commissaire apitoyé, elle se laissa mettre en voiture. Tout le long du trajet, elle demeura hébétée ainsi, gardant les yeux fixes, la bouche mi-ouverte, insensible à tout, jusqu'au moment où elle fut introduite dans une cellule du dépôt. Alors, tout à coup, la mémoire lui revint. Elle se ressaisit, elle comprit. Elle poussa un grand cri en se jetant sur la porte qu'on fermait sur elle. « Maman !» Et elle tomba à terre, sans connaissance, comme morte.